الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue l'explication de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et au dernier cours, on avait expliqué yani, les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui expliquait, yani, il parlait de, yani, de Aristote. On parlait de, au dernier cours, on parlait des gens de Perse et des Grecs de l'Antiquité. Et on parlait de certains philosophes qui sont suivis, des choses comme ça. Bon, on va continuer dans le contexte de qu'est-ce que le cheikh expliquait. Il dit وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. Donc on va lire qu'est-ce qu'il a dit avant. لَمَّا رَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ اسْمُهُ الْإِسْكَنْدَرُ وَهَذَا قَدْ يُسَمَّى بِالْإِسْكَنْدَرُ ظَنُّوا أَنَّ هَذَا ذَاكَ كَمَا يَظُنُّهُ ابْنُ سِينَا وَطَائِفَةٌ مَعَهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ هَذَا الْإِسْكَنْدَرُ الْمُشْرِكُ الَّذِي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله. Donc pourquoi le cheikh il avait parlé d'Aristote et d'Alexandre le Grand? En fait, c'est parce qu'il était en train d'expliquer que parmi les gens des différents peuples, des différentes nations, des différentes croyances, il y en a parmi eux aussi qui étaient des ascètes, des gens qui s'écartaient de la vie et des plaisirs du monde, et qui s'adonnait à l'adoration et à la méditation et au jeûne et à certains actes d'adoration. Et malgré tout, du fait qu'ils n'ont pas cru au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ou bien à d'autres parmi les messagers de leur époque. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils étaient des mushrikines, ou qu'ils ont rejeté la foi en les messagers, donc leurs adorations ou leurs bonnes œuvres ou leur ascétisme ou bien toutes ces formes de choses qu'ils faisaient, eh bien ça ne leur apporte en rien et ça va pas leur servir en quoi que ce soit puisque c'était des mushrikines et des kuffars. Donc c'est pour ça que le cheikh il parle de ces gens-là en fait. Puis il mentionne une petite clarification en même temps à propos de Aristote. Pourquoi? Parce que Aristote faisait partie des ministres de Alexandre le Grand. Et certains parmi les gens de l'ignorance ou de l'égarement, ils ont fait un amalgame ou bien ils ont mélangé entre Alexandre le Grand, qui était un grec, un mushrik, dont le ministre était Aristote, et l'autre qui est Dhulqarnayn, celui qui est mentionné dans le Coran. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que ces deux-là ne sont pas le même. Même si certains appellent Dhulqarnayn Iskandar, lui aussi l'appelle Alexandre, mais il était là 1000 ans avant l'autre. Donc c'est pas la même personne. Puisque Dhulqarnayn était un croyant, tandis que Alexandre le Grand était un mushrik. Donc c'est pas la même personne. Et donc, c'est pas Alexandre le Grand qui a construit le barrage que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Al-Kahf pour empêcher Ya'juj et Ma'juj de sortir. Hein? Donc, cet Alexandre dont Aristote était le ministre, eh bien, yani, c'est lui qui était non-musulman. Et c'est de lui qu'il parle dans l'histoire de Rome et dans l'histoire des Grecs et de ces gens-là. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il clarifie à ce sujet-là, il dit « Zulqarnayn al-mazkur fil Qur'an huwa alladhi bana as-sadd alladhi yusamma sadd dhil qarnayn duna ya'juj wa ma'juj hadha alladhi balagha matla' ash-shams wa maghrib ash-shams yani mumkin Allah lahu fi al-ard wa huwa malikun muslim. » Donc, Zulqarnayn, qui est mentionné dans le Coran, c'est lui qui a construit le barrage, et on l'appelle le barrage de Zulqarnayn, et c'est lui c'est le barrage qui bloque, ou qui a empêché de sortir ce qu'on appelle Ya'juj et Ma'juj, et il est allé jusqu'à l'endroit où le soleil se lève. Il est arrivé jusqu'à l'endroit où le soleil se lève, et il dit wa maghrib ash-shams, et l'endroit où le soleil se couche également. L'endroit où le soleil se lève et l'endroit où le soleil se couche. Donc il a fait l'est et l'ouest. Donc Allah lui avait donné le pouvoir sur la terre et c'était un roi musulman. Tandis que l'autre, Alexandre le Grand, c'était un kafir. Et il dit parmi les différentes sortes de mushrikin et différents mushrikin parmi les Arabes, parmi les gens de l'Inde, parmi les gens de la Turquie, parmi les gens des Grecs et des différents peuples, il y en a eu parmi eux qui ont fait beaucoup d'efforts dans la quête du savoir, dans le délaissement de la vie, des plaisirs de la vie d'ici-bas, dans l'adoration, mais ils n'ont pas suivi les messagers. Et ils n'ont pas cru en ce que les messagers ont ramené. Et ils n'ont pas cru en ce que les messagers ont rapporté comme information à propos d'Allah et à propos de la religion. Et ils ne les ont pas non plus obéi dans ce qu'ils ont ordonné de faire. Hein? Donc ceux-là ne sont pas des croyants et ils ne sont pas non plus des awliya d'Allah, des saints ou des rapprochés d'Allah. Et le cheikh dit wa kama sabaqa annahum fihim zuhud, fihim zuhad wa fihim nussak wa fihim ruhban walakin laysu ala tariq sahih fala yanfa'uhum dhalik wala yanfa'uhum bal huwa ta'bun alayhim bila fa'idah. لا فائدة في العمل إلا إذا كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون هذا لا يتعب الإنسان نفسه. Donc le cheikh il dit que comme on a expliqué chez les mushrikines et chez les autres les gens des différentes religions, il y a parmi eux des gens qui sont ascètes, qui se détachent de la dunya et qui délaissent les plaisirs de la vie et qui sont des grands adorateurs, qui font beaucoup d'efforts dans la prière, dans le jeûne et d'autres formes d'adoration, mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Donc cela ne leur sera pas profitable. Et il dit que ils ne font que se fatiguer eux-mêmes en réalité. Ils ne font que se fatiguer eux-mêmes. Parce que les actions qu'ils font, ils ne les font pas sincèrement pour Allah ou uniquement pour Allah. Ils associent avec Allah d'autres divinités. Hein? Et en même temps aussi, ils ne suivent pas l'exemple de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui fait des adorations sans suivre l'exemple du messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne fait que se fatiguer. Et il ne sera pas récompensé par Allah pour ce qu'il fait. Il dit... Ensuite, وَإِنْ كَانُوا يُسَمُّونَهُمْ أَوْلِيَاءَ فَهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونُوا أَوْلِيَاءَ لِلَّهِ وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانُوا زُهَادًا وَنُسَّاكًا وَعُبَادًا وَمُجْتَهِدِينَ وَلَكِنْ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ صَحِيحٍ. Donc le cheikh il dit, même si les gens les appellent des saints, des hommes vertueux, des gens qui se détachent de la richesse, des plaisirs de la vie, qui s'adonnent uniquement qu'à la prière, il y en a beaucoup. Tu regardes chez les moines bouddhistes, Parmi eux, par exemple, on dit que Bouddha, c'était un prince en Inde. Hein? Il a délaissé toute sa richesse, tous ses biens. Et il est parti dans un chemin d'ascète, aller méditer, réfléchir sur la création, réfléchir sur l'univers. Et il a abandonné tout. Hein? Donc, c'était quelqu'un qui était dans cette voie-là. La même chose aussi, on retrouve chez les hindous, des gens qui sont des prêtres ou des moines ou des gourous ou bien d'autres, des gens qui sont dans des temples qui se consacrent que à l'adoration et des choses comme ça. Hein. Et la même chose aussi, on retrouve chez les prêtres, les moines catholiques ou chrétiens qui vivent dans des monastères, des religieuses aussi, des femmes qui vivent dans des monastères, ils font que prier tout le temps. Hein? Et on trouve ça aussi comme les rabbins chez les juifs qui s'adonnent que à l'étude de la religion, l'étude des textes, hein, de leurs livres. Et donc, malgré tout ça, ce ne sont pas des serviteurs rapprochés d'Allah parce qu'ils ne sont pas croyants. Hein? Donc, non seulement ils ne sont pas croyants, et donc encore moins des serviteurs rapprochés d'Allah. Ou des awliyas, mais ils ne sont que des awliyas du shaitan, ils ne sont que des alliés du diable en réalité, même si c'est des gens qui se détachent des plaisirs et de la vie et qui s'adonnent que à l'adoration, qui font beaucoup d'efforts dans l'adoration, mais le fait de faire des efforts sur le mauvais chemin, c'est pas quelque chose qui va t'amener, hein? C'est comme si par exemple tu dis, moi je veux aller à un endroit en particulier, tu dis je veux aller à tel endroit. Okay. Puis tu pars dans la direction contraire, hein? Et puis tu cours à toute vitesse, hein? Et tu te fatigues, hein? Tu fais beaucoup d'efforts à courir pendant des heures, hein, pour arriver. Et ben, même si tu cours le plus vite possible, plus tu cours en fait, plus tu fais d'efforts, plus tu t'éloignes au lieu de t'approcher de ta destination. Donc les gens vont dire, oh regardez à quel point cette personne elle est vraiment déterminée à arriver où elle veut aller, elle fait beaucoup d'efforts, elle court, hein, elle dépense beaucoup d'énergie, elle transpire, hein, elle se repose même pas. Tu dis ça, c'est une personne qui est vraiment dévouée, qui fait vraiment beaucoup d'efforts. Mais l'important c'est pas de faire des efforts, l'important c'est de faire des efforts mais dans la bonne voie et dans le bon chemin. Souvent on dit rien ne sert de courir, il faut partir à point, hein. Donc c'est ça l'important aussi. Celui qui marche très lentement, il prend vraiment son temps pour arriver à destination, mais il est certain qu'il est sur la bonne route et qu'il est sur le bon chemin, même s'il va lentement, même s'il rampe. Hein? Tôt ou tard, il va arriver à destination. Tandis que celui qui est dans le mauvais chemin, même s'il roule avec sa voiture pendant toute la journée pour arriver, il ne va jamais arriver à destination. Hein? Il va se perdre, exactement. Donc ça, c'est la réalité des gens qui suivent autre que la voie du messager. Le cheikh il dit ensuite, « وَهَاُولَئِ تَقْتَلِنُ بِهِمُ الشَّيَاطِينَ وتنزل عليهم ويكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. Donc ça c'est un point important ici que le cheikh il dit ceux-là, les gens sont associés avec certains diables qui descendent sur eux et qui leur dévoile certaines informations à propos des affaires des gens. Et ils ont certains comportements, certaines choses qu'ils font qui sortent de qu'est-ce qui est ordinaire. C'est-à-dire ils font des actes ou des choses extraordinaires qui sont de la même catégorie que la sorcellerie. Hein? Et il dit qu'ils rentrent dans la même catégorie que les médiums ou les voyants et les sorciers sur lesquels le diable descend. Et c'est pour dire que c'est ça la réalité de beaucoup d'entre ces gens-là. Il y a parmi les moines et les prêtres et les bouddhistes, hein, j'ai vu ça, il y en a parmi eux, j'ai vu, ils vont mettre leurs mains dans le feu, ils disent ça les brûle pas. Certains d'entre eux, ils mâchent sur du charbon, ça les brûle pas. J'ai vu parmi eux également d'autres qui se rentrent du fer, des trucs de fer dans les joues, ou bien dans le ventre ou dans la peau, et puis ça sort et puis ça y a pas de sang qui sort ou des choses comme ça. Donc eux, ils font des choses comme ça, et puis ils disent nous on est des awliya parce que on peut faire des choses comme ça. Ça, c'est des choses extraordinaires. Seulement les awliya peuvent faire ça. Alors qu'en réalité, ces gens-là, c'est pas des awliya, et c'est les shayatin qui les aident à faire ces choses-là. Hein? Donc, il y a un cheikh qui expliquait une fois, qui dit, parce que eux, quand ils rentrent la tige de métal ou quelque chose quelque part, là, soit dans leur ventre ou bien dans leur joue, ils savent exactement l'endroit où le faire passer pour que ça ne soit pas dangereux. Et quand quelqu'un d'autre est venu, il a pris la tige de métal et il leur a dit « Laissez-moi, moi je vais le rentrer. » Et ils ont refusé, tu vois. Parce que il faut que ce soit quelqu'un qui est avec eux, qui a appris la façon comment le faire, pour que les gens voient, ils disent « Oh, il a fait un miracle, c'est un wali d'Allah. » Hein? Et donc le cheikh, il dit, ces gens-là, c'est la catégorie comme les sahara, comme les sorciers. Et ils prétendent des fois connaître des choses que personne ne connaît à propos de la vie privée des gens. Donc quand ils te voient, ils te disent des choses, c'est personne comme peut savoir ces choses-là, eux ils le savent. Donc les gens disent, ah, ces gens-là c'est des awliya, ils connaissent des informations cachées du raïb. Hein? Et en réalité c'est les diables qui les informent de ces choses-là. Donc le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, il dit, awliya al-shaytan, lamma khalafu al-rusul, ata'u al-shaytan, fa'innahum yakunu lahum, أحوال غريبة لأن الشياطين تساعدهم وتظهر على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة وقد سبق أن الخارق للعادة على قسمين القسم الأول خارق للعادة يكون كرامة وإذا كان صاحبه مستقيما على طاعة الله ومن المؤمنين المتقين والقسم الثاني يكون خارقا شيطانيا وإذا كان صاحبه على الكفر والضلال ومخالفة الرسل فإنه يكون خارقا شيطانيا وليس كرامة وهذا هو الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله في هذا الكلام فهؤلاء لما والوا الشياطين وعادوا المرسلين والمؤمنين فإن الشياطين تتولاهم ويجري على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة وهي أحوال شيطانية فلا يغتر بها ويقال هؤلاء أولياء لأن لهم كرامات. Donc le cheikh il explique qu'est-ce qu'on a expliqué. Il dit que les awliya du shaitan, les alliés du shaitan, ils ont contredit les messagers, et lorsqu'ils ont contredit les messagers et obéit au diable, eh bien, parfois les shayatines, ils les aident. Hein? Ils ont des états qui sont étranges et qui sont hors de l'ordinaire, et c'est les diables qui les aident dans ces états-là. Et on voit apparaître de leur part certains comportements ou certaines actions qui sont pas ordinaires, qui sont pas normales. Et il dit que les actes que les gens font qui sont hors de l'ordinaire sont de deux catégories. La catégorie qu'on appelle des karamates. Et les karamates, c'est lorsque quelqu'un qui est sur le droit chemin et qui est dans l'obéissance d'Allah et qui fait partie des croyants qui sont pieux, eux, ils font des actes parfois qui sont hors de l'ordinaire. C'est qu'est-ce qu'on appelle des karamates. Hein, c'est comme des prodiges que Allah leur permet d'accomplir. Tandis qu'il y a une autre catégorie, ce sont des actes diaboliques que le diable aide les gens qui sont dans la mécréance et dans l'égarement à accomplir. C'est des gens qui sont en contradiction avec les messagers. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est des choses qui sont diaboliques en réalité. Et sont, ce ne sont pas des prodiges. Ce sont de cette catégorie-là, ce sont de ces choses-là que le cheikh, il parle ici. Et il dit que ces gens-là, lorsqu'ils ont pris pour alliés les diables et qu'ils ont pris en opposition les messagers et les croyants, eh bien, les diables leur viennent en aide et leur font faire des actes ou des choses qui sont hors de l'ordinaire. Des actes, des états diaboliques. Il dit, ne soyez donc pas trompés par ces choses-là. Et il ne faut pas dire donc que ce sont des awliya et qu'ils ont des prodiges. Donc ça, c'est très important. Des fois, c'est ça, même des magiciens, des sorciers, des gens comme ça, c'est des gens qui ont des fois de l'aide de la part des diables, hein, de la part des shayatines. Les gens, ils disent, comment ils font pour faire ça? Comment ils font pour faire des tours comme ça ou faire de la sorcellerie? C'est les diables qui les aident. Ou des fois, c'est de l'illusion, c'est des illusionnistes. Ils trompent les yeux des gens. Ou bien des fois, c'est des sorciers, ils font vraiment appel au diable pour les aider dans la sorcellerie. Donc il y a différentes catégories de sorciers. Le cheikh il dit ensuite wa qala ta'ala hal unabbi'ukum ala man tanazzala ash-shayatin tanazzala ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Donc le cheikh il cite comme exemple le verset dans sourate ash-shu'ara, les poètes, le verset 221-222. Et dans ce verset-là, il explique sur qui descendent les diables. Il dit ne le 221-223. Le verset, il dit, vous apprendrai-je, hein, sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tous les calomniateurs pécheurs. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs. Hein? La plupart d'entre eux sont des menteurs. Donc les diables descendent sur ces gens-là, des menteurs. Et il dit, le cheikh, il dit, Allah Azza wa Jal nafa anil Qur'ani وعن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل الشياطين فقال عز وجل وما تنزلت به الشياطين يعني القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع يعني عن الوحي لمعزولون يعني فليس لهم قدرة على تلقي الوحي إلا في صفة استراق إلا في صفة استراق السمع كما سيأتي ثم لما نفى سبحانه وتعالى تنزل الشياطين على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن بين سبحانه وتعالى الذين تتنزل عليهم الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الأفاك الكذاب كثير الإثم يلقون السمع أي يسترقون السمع وأكثرهم كاذبون يعني يصيبون في كلمة ويكذبون معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين أولي سبحانه وتعالى أولياء الشيطان وأنهم ليسوا أولياء الرحمن أو ليسوا أولياء للرحمن وإنما هم أولياء للشياطين تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينَ. Donc le cheikh il explique que وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a nié dans le Coran, hein, et il a nié que les diables descendent avec le Coran ou sur les messagers. Donc les shayatines, ils ne peuvent pas descendre avec le Coran et ils ne peuvent pas descendre sur les messagers. Et il mentionne ça dans le verset dans Sourate Ash-Shu'ara qu'on vient juste de lire, dans les versets 210, et on va lire les versets dont le cheikh parle ici. Il dit et ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec ceci. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. C'est-à-dire, ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec le Coran. Cela ne leur convient pas et ils n'auraient pas pu le faire. Hein? Ils n'auraient pas pu le faire. Et il dit, et ils n'auraient pas pu, car ils sont écartés de toute écoute du message divin. Donc ils sont écartés, ils n'ont pas la capacité de recevoir la révélation. Excepté, le cheikh il dit, excepté lorsqu'ils essaient de voler des informations en écoutant. Hein? On va en parler de ça. L'exemple, comment les diables ils font parfois pour voler certaines informations dans le ciel. Et il dit ensuite, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a nié que les diables puissent descendre sur le messager avec le Coran, il a clarifié sur qui les diables descendent. Hein? Dans les versets 221 et 222 qu'on a lu tout à l'heure, vous apprendrez sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs. Hein? Et ils volent les informations qu'ils écoutent dans le ciel, et la plupart d'entre eux sont des menteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent, et lorsqu'ils essaient de voler une information qui est transmise entre les anges dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pourchassés par des étoiles filantes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Puisque, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, étant donné qu'ils ne peuvent pas continuer à écouter, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mélanger le mensonge qu'ils ont, les mensonges avec, comme s'ils ont par exemple une parole qui est vraie qu'ils ont entendue, ils la mélangent avec une centaine de mensonges. D'accord? Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, ils vont dire une chose vraie et le reste c'est du mensonge seulement. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué donc qui sont les alliés du diable et que ce sont, hein, qu'ils ne sont pas des alliés d'Allah, mais que ce sont plutôt des alliés des diables, et que c'est sur eux que les diables descendent. Et il cite en note de bas de page le hadith en question. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء وتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم كما أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيختلط فيها أكثر من 100 كذبة. Donc ça c'est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Aisha radiyallahu anha, l'épouse du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit qu'elle a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam qui disait que les anges descendent au niveau des nuages, et à ce moment-là il rapporte certains des ordres qui ont été décidés dans les cieux. Et les diables écoutent certaines de ces ordres-là ou de ces informations-là, et ils essaient de voler des informations. Alors, ils vont par la suite les transmettre aux sorciers, hein, et aux médiums, qui eux vont mélanger une centaine de mensonges avec, de par eux-mêmes. Donc ils inventent ça d'eux-mêmes. Et rapporté par Muslim également, selon Aïcha, que des gens ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos des médiums et des voyants, et il y a des diseurs de bonne aventure et des gens qui prétendent connaître l'avenir. Hein, il leur a dit, les hommes ont demandé au messager d'Allah à leur sujet. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ils ne sont rien. Hein, laysu bishay. Ces gens-là, ces sorciers-là, ils ne sont rien. Alors ils ont dit, oh messager d'Allah, parfois ils vont parler et ils vont dire quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire, ils vont dire quelque chose et ils vont prévenir de quelque chose, puis après ça va être vrai finalement. Alors qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ça c'est une parole qu'ils ont volée, hein, qu'un djinn a volée. C'est une parole qu'un djinni, il a volée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la pique dans l'oreille de son allié, c'est-à-dire le sorcier, et lui, il le mélange avec une centaine de mensonges. Hein? Donc c'est comme ça les médiums et les voyants et ces gens-là. Ils mélangent le vrai et le faux. Puis après, les gens, quand ils vont voir ces gens de sorciers ou de médiums, ils leur disent... des choses qu'ils ont entendues des djinns, puis après ils vont mélanger ça avec plein d'autres mensonges, et les gens ils se rappellent que des choses vraies qu'ils ont entendues, ils oublient les mensonges. C'est comme par exemple des fois le djinn qui travaille pour le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler avec le djinn de la personne. Il va lui révéler des informations privées sur lui. Et donc, la personne va dire, toi, tu t'appelles comme ça, tu habites à telle place, tu es comme ça, tu as des enfants, tu as ci, ça. Alors, les gens, quand ils entendent ça, ils disent, mais comment il a fait pour savoir ça, hein? Et puis, en réalité, c'est les diables qui les a, c'est les djinns qui l'a informé de toutes ces informations-là. Donc c'est comme ça exactement. Après le cheikh il dit wa haula jami'uhum alladhina yantasibuna ila al-mukashafat wa khawariq al-'adat idha lam yakunu muttabi'ina lir-rusul fala budda an yakdhibu wa tukadhibahum shayatinuhum wa la budda an yakuna fi a'malihim ma huwa ithmun wa fujur mithlu naw'in min ash-shirki أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, hein, ils ont tous ces gens-là qui prétendent appartenir à ou posséder des informations de ce genre-là. Ils pensent qu'ils ont des informations dans leurs rêves, ou bien qu'on leur dévoile des secrets, des mystères du rêve, hein, ou qui ont des actes surnaturels qu'ils font. C'est la plupart de ces gens-là, il dit, ils ne sont pas des gens qui suivent les messagers. Donc, il faut absolument que ce soit des gens qui mentent, hein, et ou bien que eux ils mentent, ou bien leur diable leur mente. Il dit que il faut également dans leurs actions il y ait du péché, de la perversité, hein, ou bien quelque forme de shirk ou d'injustice ou de perversité, de turpitude, ou bien d'extrémisme, ou bien d'innovation dans leurs adorations. C'est obligatoire. Tu peux pas trouver des gens parmi les gens qui font ce genre de choses et qui prétendent connaître le rêve ou faire des actes de sihr, excepté qu'ils ont des exemples comme ça chez eux. Tu vas trouver chez eux des innovations ou des bid'as ou des exemples d'extrémisme ou des turpitudes, des péchés graves, des kaba'ir ou de l'injustice ou du kufr, des choses comme ça. Et Cheikh Al-Fawzan il dit هذه القاعدة فليست العبرة بوجود الخارق للعادة مع الشخص حتى ينظر في حاله ينظر حاله فإن كان مستقيما على طاعة الله وهو من المؤمنين المتقين فإن هذا الخارق يكون كرامة من الله عز وجل له أما إن كان مخالفا لأوامر الله ومطيعا لأوامر الشيطان فإن هذا الخارق يكون خارقا شيطانيا يجري على يده بواسطة الشياطين فلا يعد من أولياء الله وإنما يعد من أولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que ça c'est une règle que il faut pas tenir compte uniquement des actes surnaturels que les gens font. Si quelqu'un est capable de faire des actes surnaturels, ça c'est pas ça qui détermine que la personne elle est pieuse ou qu'elle est un wali. Il faut absolument regarder son état. La personne, est-ce qu'elle est sur le droit chemin? Est-ce qu'elle est sur l'obéissance d'Allah? Est-ce qu'elle suit le messager? Est-ce qu'il fait partie des pieux et des gens croyants qui s'écartent du châtiment d'Allah et qui se préservent du châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit? Donc c'est ça. Il faut regarder ces choses-là. Il dit que le fait de faire des actes qui sont hors de l'ordinaire, c'est possible que ce soit un prodige que Allah lui permette de faire et que Allah lui donne, si c'est quelqu'un qui est sur le droit chemin. Mais si c'est quelqu'un qui contredit les ordres d'Allah, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui obéit aux ordres du shaitan, alors dans ce cas-là, c'est cet acte surnaturel qu'il fait, ce n'est pas un prodige divin que Allah lui donne, plutôt c'est un acte diabolique que le shaitan lui permet de faire comme ruse, pour tromper les gens. Et donc il n'est pas du nombre des alliés d'Allah dans ce cas-là, mais il ne fait partie que des alliés du shaitan. Et il cite ensuite que ces gens-là, ils ont obligatoirement un péché quelconque ou une bid'a ou une innovation ou du shirk ou du zulm. Et il dit afakun athim. Ce sont des gens qui sont des menteurs et des pécheurs. Tanazzala ala kulli afakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Afakun yani kadhab wa athim yani kathir al-ithm bima yumaris min al-fawahish wal-ma'asi. Fa kayfa yu'ad hadha waliyan lillah subhanahu wa ta'ala. وهذا من المغالطات. Donc le cheikh il dit afak, ça veut dire quelqu'un qui fait des grands péchés, qui est un grand menteur. Afak yani ya'ti bil ifk, yani il raconte des histoires, des mensonges, c'est un menteur. Afak, il raconte beaucoup de mensonges. Kadhab. Et athim c'est quelqu'un qui fait beaucoup de grands péchés, des turpitudes et toutes sortes de choses comme ça. Et on voit dans la forme même afak, le cheikh il dit c'est al-kadhab. Kadhab, c'est la différence entre kadhib et kadhab. Kadhib, c'est quelqu'un qui est un menteur, mais kadhab, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. C'est pas seulement un menteur, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Ok, donc ça veut dire que il ment beaucoup. Donc c'est la forme disons superlative, si tu veux, du terme kadhib. Et athim, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de péchés. Donc comment cette personne-là peut-il être un serviteur rapproché d'Allah et un wali d'Allah? Donc ça fait partie des erreurs, des fautes. Et le cheikh dit ensuite وَلِهَذَا تَنَزَّلَتِ الشَّيَاطِينَ عَلَيْهِمْ. Donc c'est pour ça que les diables descendent sur eux, parce qu'ils sont des menteurs et des pécheurs. Et il dit وَاقْتَرَنَتْ بِهِمْ فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن قال تعالى قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que le diable descend sur eux et qu'il s'associe avec eux, il devient leur compagnon, donc ils deviennent des alliés du shaitan et non pas des alliés de Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset 36 dans Surat Az-Zukhruf. Et c'est un verset qui fait peur en réalité. Oui, 26. Hein? Vous allez, 36. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et quiconque s'aveugle, c'est-à-dire il s'écarte du rappel de, du tout miséricordieux, c'est-à-dire du rappel de Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui assignons un diable qui devient un, son compagnon inséparable. Hein? Et la suite du verset, wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Il dit ensuite, et les diables détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Donc ils pensent que ils pensent qu'ils sont bien guidés, alors qu'ils sont égarés. Et le cheikh il dit, تنزلت عليهم الشياطين بسبب إفكهم بسبب إفكهم وإثمهم تنزلت عليهم الشياطين تنزلت عليهم الشياطين فالإنسان إما أن يكون وليا لله وإما أن يكون وليا للشيطان فإن أطاع الله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله وإن كان أطاع الشيطان وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أولياء الشيطان وهذا فرق واضح وقاعدة واضحة لا تلتبس إلا على صاحب هوى أو جاهل يحسب أن كل بيضاء شحمة كما قالوا. Donc le cheikh dit les diables ils descendent sur eux à cause de leur péché, à cause de leur mensonge, hein? Les diables descendent sur eux à cause de ça. Donc une personne, elle est soit un allié d'Allah, soit un allié du diable. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Hein? Et il dit que, yani, si la personne, elle obéit à Allah et à son messager, et qu'elle se préserve du châtiment d'Allah, alors elle fait partie des alliés d'Allah. Et si elle obéit au shaitan et elle désobéit au messager, alors dans ce cas-là, elle est des alliés du shaitan. Et il dit la différence, elle est claire, et la règle, elle est claire. Et personne peut être confus dans cette règle-là, excepté la personne qui suit sa passion. Ou un ignorant qui pense que tout ce qui est clair est de la, c'est une expression, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, c'est comme, on pourrait dire celui qui pense que tout ce qui brille c'est de l'or. Mais l'expression c'est pas ça qu'il dit, ça dit, si je traduis littéralement, ça dit qu'il pense que tout ce qui est blanc est de la, comme du gras. C'est les Arabes, ils ont des expressions comme ça. Et après le cheikh il dit ومعنى يعشو تفسيرها الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري يعشو معناها يعرض عن الوحي وعن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن يعشو عن ذكر الرحمن وهو القرآن والسنة. يعني ذكر الله أيضا بالثناء عليه والتسبيح والتهليل والتكبير فمن أعرض عن هذا فإن الشيطان يأخذه ويجعله من جنوده. Donc le cheikh il dit qu'est-ce que ça veut dire يعشو dans le verset 36 dans surat Az-Zukhruf. Allah il dit ومن يعشو عن ذكر الرحمن. Il dit يعشو, il est expliqué par l'autre verset dans la surat طه, le verset 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, et quiconque se détourne de mon rappel. Donc يَعْشُو, ça veut dire qui se détourne, et qui se détourne de la révélation, et le rappel d'Allah, il se détourne du rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah, le rappel d'Ar-Rahman, c'est le Coran et la Sunna, et c'est aussi le fait de se rappeler d'Allah en faisant son éloge, et en le glorifiant. En disant la subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ça c'est des exemples de rappel d'Allah. Et il dit donc quiconque se détourne de ça, eh bien le shaitan il le prend et il le fait rentrer dans son armée. Donc tu deviens un des membres de l'armée du shaitan. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ هَذِهِ عُقُوبَةٌ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala, pour te punir de t'être détourné de son rappel, il donne au shaitan le pouvoir sur toi. فهو له قرين يعني ملازم له الشيطان يلازمه ولا ينفك عنه عقوبة له. Donc par punition, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il devient ton qarin, il devient ton compagnon qui reste toujours avec toi constamment, il ne se sépare jamais de toi, par punition pour toi. Il dit wa inhum ay ash-shayatin la yasuddunahum 'an as-sabil. يعني يصدون هؤلاء عن سبيل الله عز وجل وأعظم من ذلك ويحسبون أنهم مهتدون. الإنسان إذا صار يحسب أنه على هدى وهو على ضلال هذه مصيبة. أما إذا كان الإنسان على ضلال وهو يدري أنه على ضلال فهذا من الممكن أن يرجع، ولكن إذا كان على ضلال ويحسب أنه على هدى هذه مصيبة، هذا لا يرجع. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا يوم القيامة يتبين له الحق، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني المشرق والمغرب، فبئس القرين، لن ينفعكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لشيخ الزي donc que quiconque s'est détourné du rappel, donc Allah il va le châtier en faisant en sorte que le diable devient son compagnon. Donc les shayatines, ils vont lui obstruer le chemin d'Allah par la suite, ils vont lui bloquer le chemin d'Allah, et ça plus grave encore, et eux ils pensent qu'ils sont bien guidés malgré tout. Et donc le cheikh il dit, quand quelqu'un il pense qu'il est encore sous la guidance alors qu'il est dans l'égarement, ça c'est un grand malheur. Il dit, si quelqu'un il est dans l'égarement et qu'il sait qu'il est dans l'égarement, peut-être qu'il peut revenir. Mais lorsqu'il est dans l'égarement et il pense être dans le bon chemin, yani, ça c'est grave. C'est grave. C'est comme l'exemple qu'on donnait tout à l'heure par rapport à la personne qui court sur le chemin. Si elle sait qu'elle est dans le mauvais chemin, elle peut revenir. Elle va revenir sur ses pas pour retrouver son chemin, pour aller où elle veut. Mais si elle pense être sur le bon chemin et puis qu'elle est sur le mauvais chemin, alors là, yani, subhanallah, elle continue à avancer, mais dans la mauvaise direction. C'est ça l'égarement. Et souvent c'est ça ce que les comme par exemple des fois quand tu vas en voyage en voiture, tu vas sur la route, tu vois tu te bases sur les affiches ou bien tu te bases sur ton GPS pour t'en aller vers une direction. Maintenant, si les pancartes ont été changées, on a enlevé les panneaux, on a changé les noms dessus, ou bien on a déprogrammé le GPS et il donne des fausses directions. Ça veut dire que tu t'en vas vers le mauvais chemin, tu penses aller vers la bonne direction. Eh bien, ceux qui font ça, c'est les gens de l'égarement qui suivent le shayatin. Ils changent les panneaux, ils changent les affiches, il change les déprogramme les GPS. Puis toi tu penses qu'il est bien, mais il est déréglé et tout est changé. Et c'est ça le travail. Et les ulama de la sunna, leur travail c'est de revenir mettre les vrais panneaux à la bonne place et de remettre le bon programme dans le GPS qui va te donner la bonne voie. Donc il y a les gens qui viennent pour corrompre le chemin, puis il y a ceux qui viennent pour le corriger et réparer et ramener les gens sur le droit chemin. C'est ça la différence entre les deux. Et les gens qui égarent les autres, ils sont avec les diables et les shayatines et ils font leur travail pour eux. Donc ici c'est ça ce que le cheikh il explique. Il dit, et au jour de la résurrection, il dit, ils vont réaliser qu'ils étaient dans l'égarement. Voyons mal qiyama, ils vont dire malheur, malheur à toi. Ya layta bayni, ici seulement il y avait entre toi et moi, entre moi et toi, la distance de l'est et de l'ouest. Quel mauvais compagnon, quel mauvais compagnon. Fabi'sa al-qarin, il dit wa la yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fi al-'adhab mushtarikun. Et le fait que vous êtes rassemblés tous ensemble dans le châtiment, ce jour-là, ça ne va pas vous profiter. Parce que des fois, les gens, ils pensent que le fait d'être réunis ensemble dans quelque chose, ça leur vient, ça leur profite ou ça leur vient en aide. Hein? C'est comme par exemple, des fois, quand on est à l'école, par exemple, le professeur, il va punir toute la classe. Hein? Si quelqu'un, il a fait une bêtise, il va punir toute la classe. Et donc, celui qui a fait la bêtise, il sent moins le châtiment. Parce qu'il voit que tout le monde est puni avec lui. Hein? Mais dans l'enfer, c'est pas comme ça. Même si tu vois d'autres personnes qui sont châtiées avec toi, ça va pas diminuer ton châtiment à toi aussi. Ça va pas t'aider le fait que vous êtes réunis. Hein? Puis une fois, je me rappelle, j'étais dans l'autobus. Je prenais l'autobus. Et puis, il y avait un homme qui était dans l'autobus avec un chandail d'un groupe de heavy metal. Vous connaissez la musique heavy metal? Beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des gens qui sont des satanistes. Ils adorent le diable et ils pensent que, yani, ils sont, ils aiment, ils disent, bon, sur son chandail, c'était écrit quoi? Walaikum salam. Sur son chandail, c'était écrit, on va en enfer pour se réunir. Hein, pour se rassembler, oui. Alors, quand j'ai lu ce verset-là dans le Coran, j'ai pensé à qu'est-ce qui était écrit sur son chandail. Quand Allah il dit, wa la yanfa'akum al-yawm idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun. C'est-à-dire, le fait que vous soyez réunis dans le châtiment, ce jour-là, yani, avec l'injustice que vous avez faite, yani, ça va pas vous profiter en quoi que ce soit le fait que vous soyez réunis. Le souhait que vous soyez tous ensemble. Donc, peut-être que certains, parmi les mouchriquins, c'est ça ce qu'ils disaient. Ils disaient, yani, alayha tis'ata ashar. Allah, il dit dans le Coran, alayha tis'ata ashar. Il y a 19 anges qui gardent l'enfer. Les mouchriquins, ils ont dit, ils sont seulement 19. On va les prendre, on va les attraper, on va. Ils pensent que c'est quelque chose facile comme ça, hein. Ils comprennent pas qu'est-ce que c'est les anges d'Allah, hein. Allah al-musta'an. Donc, nasallallahu al-afiyah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera demain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.